بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 38 dans l'explication du livre de Sharh Kitab al-Tawhid qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahidin, écrit par le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, qui est le petit-fils du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Et donc on est arrivé au cours 38, comme je disais. Au dernier cours, on s'était arrêté, je pense, à quelques explications qu'on mentionnait sur les gens qui disent la parole de la ilaha illallah, mais qui en même temps font des choses qui sont en contradiction avec la ilaha illallah, comme l'exemple des gens du livre Ahlul Kitab et les munafiqin, les hypocrites, qui disent la ilaha illallah mais qui font le contraire. Et l'état de beaucoup d'entre les musulmans d'aujourd'hui et du passé qui malheureusement, yani, ils disent la ilaha illallah mais ils font des actions qui viennent en contradiction avec la ilaha illallah, parce qu'ils pratiquent beaucoup de différentes formes de shirk. Et le cheikh, il dit donc, il dit كحال اكثر من يقولها قديما وحديثا ولكن في اواخر هذه الامه يعني ولكن في اواخر هذه الامه اكثر ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر او هوى او غير ذلك من الاسباب وهي كثيره. Donc il explique que certaines personnes sont empêchées d'aimer la ilaha illallah et de dire la ilaha illallah, ou bien de, plutôt ici le cheikh dit plusieurs personnes sont empêchées d'aimer la ilaha illallah et d'agir selon la ilaha illallah à cause de l'orgueil et de l'arrogance et de l'orgueil qu'il a dans le cœur, ou à cause de la passion qu'il a dans le cœur, ou à cause de d'autres parmi les causes. Et les causes de ce genre sont nombreuses. Donc par rapport à ça, le cheikh il dit ici هذا يعرف معناها ويعرف مدلولها ولكن يمنعه من الالتزام والعمل بها أشياء إما محبة في الجاه والسلطة وإما هوى في نفسه يتعارض مع مدلول هذه الكلمة. هذا هو الذي يكون حقا من المشركين ما ترك التوحيد إلا بسبب النخوة الجاهلية وتمسكهم بعادات آبائهم وأجدادهم كلهم يقولون ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا هذه مقالاتهم. Donc parmi leurs paroles et les exemples, le cheikh il explique que ça c'est à propos d'une catégorie de personnes qui connaissent la signification de la ilaha illallah et qui connaissent ce que la ilaha illallah implique et qu'est-ce qu'elle contient comme signification et comme indication, mais il y a des choses dans leur cœur qui leur empêchent de l'accepter ou de l'aimer dans leur cœur ou de le mettre en pratique. Et parmi ces choses-là, il y a par exemple le fait d'avoir peur de perdre leur pouvoir ou leur autorité, hein, ou bien à cause d'une passion qu'ils ont en eux-mêmes qui vient en opposition avec ce que cette parole-là de la ilaha illallah indique. Donc quand quelqu'un par exemple il a une station ou un pouvoir ou une autorité, il a peur de la perdre. C'est comme par exemple si le pape, hein, qui connaît la ilaha illallah et qui comprend sa signification, il refuse de dire la ilaha illallah parce qu'il dit si je dis la ilaha illallah, si j'accepte la signification de la ilaha illallah, eh bien ça impliquerait que je devrais perdre mon statut, perdre ma position, perdre mon degré. La même chose pour plusieurs d'entre les prêtres ou les évêques ou bien par exemple certains rabbins, c'est la même chose. Ils ont une position, ils ont une situation, et donc ils disent bon, les gens me regardent, les gens se réfèrent à moi par rapport à la religion. Si je dis la ilaha illallah et si je l'accepte, eh bien, c'est comme si ils sentent en eux-mêmes qu'ils vont perdre cette autorité, ce respect, cette position qu'ils vont avoir. Hein? Parce que beaucoup de gens, par exemple, qui ont cette autorité-là ou ce pouvoir-là, ils savent que s'ils deviennent musulmans, ils vont plus être à ce stade-là ou à ce niveau de respect qu'ils ont hein, par rapport à leur peuple ou leur, leur entourage. Sauf que le fait d'accepter l'islam pour ces gens-là et de dire la vérité et de, le, de l'exposer aux gens, il y a dans ça une énorme et immense récompense s'ils le font. Et c'est un grand signe également de sincérité hein, pour eux. Malheureusement, peu d'entre eux ont le courage hein, et le courage et la force de pouvoir prendre ce genre de position dans des situations difficiles comme ça. C'est-à-dire de faire. Et j'ai déjà entendu des histoires de la part de certains prêtres qui s'étaient convertis à l'islam, et un d'entre eux en particulier dont j'avais entendu l'histoire, le jour où il a décidé de devenir musulman, il a fait sa dernière messe, il s'est adressé à son assemblée et il leur a dit « Aujourd'hui, c'est la dernière messe que je célèbre avec vous parce que je vous annonce que je me suis converti à l'islam et que j'ai accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, et que c'est la vraie religion. » Et il a fait ça ouvertement, publiquement, devant tous ses fidèles. Et il a eu le courage de le faire et de leur expliquer en même temps qu'est-ce que c'est l'islam. Donc c'est évident que pour faire ça, ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup de courage, et peu d'entre les hommes malheureusement ont ce courage-là, sauf ceux à qui Allah a donné justement le courage et la force de le faire. Et il y a aussi le fait que ces gens-là savent que du moment qu'ils acceptent l'islam, quand ils deviennent des musulmans, ils repartent à zéro, dans le sens que ils n'auront pas ce statut ou ce degré qu'ils avaient dans le christianisme en devenant musulmans, parce qu'ils ne vont pas être automatiquement considérés comme étant des savants de la religion musulmane parce qu'ils étaient des chrétiens ou parce qu'ils étaient des prêtres ou parce qu'ils étaient des rabbins. Sauf que si par leur sincérité et par leur effort ils cherchent le savoir, ils font la quête du savoir, ils retournent aux savants et ils s'éduquent dans la religion musulmane et qu'ils apprennent hein, la aqida et le fiqh et le tawhid et la langue arabe et les autres choses, et qu'ils arrivent à apprendre correctement et comme il faut la religion musulmane, ils pourront par la suite, par la permission d'Allah et par la grâce d'Allah, enseigner la religion musulmane si jamais ils arrivent à atteindre un certain niveau de connaissance. Mais c'est pour dire que c'est pas quelque chose qui est automatique, d'accord, parce que certains parfois ils ont fait cette erreur là de vouloir tout de suite élever quelqu'un qui est converti à l'islam et qui avait auparavant une position comme un prêtre ou un rabbin ou quelque chose comme ça, de lui donner tout de suite une position de comme s'il était un savant automatiquement en se convertissant. Et ça, c'est une erreur. Et on l'a vu avec des gens comme Roger Garaudy, le philosophe, et d'autres également, hein, qui sont rentrés dans l'islam avec plein d'égarements et d'ignorance, puis qui ont été élevés, hein. Et ça, en général, ceux qui agissent comme ça et qui font ce genre de choses-là, c'est les ikhwan. Hein? Il leur donne un statut, une position, et ces gens-là n'ont aucune connaissance réelle encore de l'islam parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas étudié. Et puis ils disent des choses qui sont catastrophiques et en opposition totale avec la religion. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il avait même écrit un texte justement pour réfuter les égarements de Roger Garaudy. Et ce texte-là, je l'ai traduit, et puis il est sur le site de Salafi de Montréal. Donc c'est un texte très très bénéfique et très intéressant qui nous fait comprendre en réalité le danger de ça. Donc beaucoup de gens, comme je disais, à cause, comme le cheikh il explique, à cause de leur passion, à cause de leur statut, à cause de leur degré, leur pouvoir, ils veulent pas abandonner ça. Donc ils refusent de dire la ilaha illallah à cause de ça, ou ils refusent d'appliquer ce que ça signifie. Et il dit, dans ce sens, dans ce cas-là, il fait réellement partie des mushrikines parce qu'il a abandonné le tawhid. Et il l'a uniquement abandonné, non pas parce qu'il ignore nécessairement sa signification, mais à cause de la fierté de l'ignorance, à cause du fait qu'il s'attache à ses à ses ancêtres et à ses pères, hein, à ses aïeux, hein, comme certains parmi les gens de différentes religions d'égarement, que ce soit des bouddhistes ou des hindous ou des chrétiens. Je l'ai entendu même dans ma propre famille, des gens de ma famille qui disaient « Je ne peux pas accepter l'islam parce que ça voudrait dire que je considère que tous mes ancêtres étaient dans l'égarement. Hein? » Et eux, par fierté, par orgueil, ils refusent d'admettre ce genre de choses. Alors qu'au jour de la résurrection, chaque personne va être jugée individuellement et chacun aura à répondre à sa propre situation par rapport à Allah. Et tu vas pas être puni pour tes ancêtres, tu vas pas être non plus récompensé pour eux si eux ont fait le bien. Donc le fait que tes ancêtres aient été sur l'égarement dans le passé, ça ne doit pas t'empêcher toi de choisir la vérité et de la suivre, hein, parce que chacun au jour de la résurrection va être chacun pour soi, chacun va être jugé pour lui-même. Et si tes parents étaient dans l'égarement, ça c'est pas une excuse ou un prétexte pour que toi tu le sois, hein. Donc le cheikh il mentionne leur exemple, qu'est-ce que Allah a mentionné dans le Coran à ce sujet-là, le verset 24 dans sourate Al-Mu'minun. Ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin. Nous n'avons pas entendu cela chez nos premiers pères, hein, chez nos premiers pères, en voulant dire dans nos ancêtres, on n'a pas entendu ce genre de parole de la ilaha illallah. Donc ça c'est une excuse qu'il ramène pour essayer de justifier le fait de rester sur le shirk, en voulant dire nos ancêtres ils étaient sur le shirk, donc on n'a pas entendu ça, le tawhid on ne l'a pas entendu chez nos ancêtres, donc on ne va pas rester sur, on ne va pas accepter le tawhid. Ou bien ma sami'na bihada fil millatil akhira. Donc il parle par exemple ici dans sourate Sad, le verset 7, on n'a pas entendu cela dans la dernière religion, en parlant du christianisme, hein, et en particulier de la version déformée et falsifiée du christianisme qui s'était propagée après Isa alayhi salam, donc après que Allah l'ait élevé aux cieux. Et donc il se réfère à ça comme argument pour essayer de justifier le fait de rester sur le shirk. Et le verset également 62, pardon, dans Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il cite les paroles des mouchriquines lorsqu'ils disent à leur prophète, est-ce que tu nous empêches, ou est-ce que tu veux nous interdire d'adorer ce que nos ancêtres adoraient? Atanhana an na'buda ma ya'budu aba'una. Donc ça fait partie de leurs exemples, de leurs paroles. Donc, ils n'ont pas d'arguments, mais uniquement ils utilisent ce genre de choses pour essayer de se donner des excuses et des prétextes pour ne pas accepter la vérité. Et le cheikh, il mentionne comme exemple justement au sujet de ça, il dit « وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ إلى قوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc ici le cheikh il mentionne, le cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il cite parmi ses exemples le verset 24 dans surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset qui signifie, dit, si c'est vos pères, hein, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, les biens que vous avez ramassés et le commerce dont vous craignez la faillite et les maisons que vous avez aimées, que vous agréez, sont plus aimées pour vous que Allah et son messager et que vous les préférez au djihad dans le sentier d'Allah, alors attendez jusqu'à ce que Allah vienne avec son ordre et Allah ne guide pas les peuples pervers. Donc ici, le cheikh il va l'expliquer le verset, il dit هذا في ترك الهجرة والجهاد. إنسان يقول لا إله إلا الله وترك الهجرة مشحة بوطنه وماله، وترك الجهاد في سبيل الله خوفا من القتل، فهذا يدخل في هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فلا إله إلا الله تقتضي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد، وتقتضي الجهاد في سبيل الله لإعلاء هذه الكلمة ونفي ما يضادها. أما الذي يعمل هذا فقد آثر ما تهواه نفسه على ما يحبه الله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا، وهذا وعيد حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سماهم فاسقين خارجين عن طاعة الله عز وجل. Donc le cheikh il explique, il dit celui qui a abandonné le jihad, celui qui a abandonné la hijra et le jihad, comme une personne qui dit la ilaha illallah, il dit la ilaha illallah mais il veut pas faire le jihad parce qu'il préfère rester dans sa patrie et garder ses biens, ou bien il laisse le jihad fi sabilillah parce qu'il a peur de se faire tuer dans la guerre, Donc le cheikh il dit ça rentre dans cette signification, ça rentre dans la signification de ce verset là. Dit si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, vos biens que vous avez ramassés et les commerces dont vous craignez la perte et vos demeures que vous agréez, les maisons que vous possédez sont plus aimés pour vous que Allah et son messager et que la lutte dans son sentier, le jihad dans son sentier. Alors le cheikh il dit, alors la ilaha illallah, ça implique cela, ça implique de faire la hijra, de quitter les pays de shirk et d'aller vers les pays du tawhid. Et ça implique également le fait de lutter dans le sentier d'Allah pour élever la parole d'Allah et de nier ce qui vient en opposition, ou d'opposer, de nier ce qui vient en opposition avec la parole de la ilaha illallah. Donc celui qui celui qui le fait, celui qui le fait dans le sens qu'il fait la hijra, il fait le jihad pour élever la parole d'Allah et pour opposer ce qui vient en contradiction avec la ilaha illallah, et bien celui qui fait ça, ça veut dire que il a donné préférence à ce que Allah aime sur ce que son âme désire. Tandis que celui qui fait le contraire, c'est-à-dire qu'il a préféré abandonner et délaisser la hijra, il a préféré délaisser le jihad, pour ce que son âme aime, et il donne préférence à ce que son âme désire, et il aime ça plus que ce que Allah aime, alors dans ce cas-là, lui, il entre dans ce verset-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit si tout ce qu'on a mentionné là, comme exemple, vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, vos biens, vos commerces, vos maisons, si tout ça c'est préféré, vous l'aimez plus que Allah et son messager, et que la lutte dans son sentier, et que la hijra dans son sentier, si vous aimez ça plus que Allah, tout ça, alors ça veut dire que, attendez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors dans ce cas-là, attendez, fatarabbasu. Et il dit ça, c'est une menace, en réalité, que Allah nous fait dans ce cas-là, si on rentre dans cette signification-là, parce qu'il dit, attendez jusqu'à ce que Allah vienne avec son commandement, et Allah ne guide pas les peuples pervers. Et il les a appelés des pervers, c'est-à-dire des gens qui sont sortis de son obéissance, sont sortis de l'obéissance d'Allah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai mu'min, celui dont le tawhid il est purifié et il est complet, il va toujours donner précédence à Allah. Il va toujours donner précédence à Allah et à son messager et à et à la lutte dans le sentier d'Allah pour élever sa religion, à tout ce qu'il pourrait aimer pour lui-même dans les affaires de la dunya. Et c'est ça que tu vois vraiment qui nous fait comprendre et qui nous démontre la réalité de ce que signifie d'être un musulman. Parce que beaucoup de musulmans aujourd'hui n'ont pas compris ce que signifie d'être un musulman. Et l'exemple de ça, c'est que en réalité, le mu'min, le vrai croyant, il va toujours préférer ce que Allah aime à ce qu'il aime lui-même, hein, ou à ce que son âme désire. Et il y aura toujours un conflit chez la plupart des gens entre leur âme et ce que son âme désire et entre ce que Allah aime. Et si à chaque fois qu'il y a ce genre de conflit entre ton âme et ce que Allah aime, et que à chaque fois dans ce conflit-là, c'est tes désirs qui ont le dessus et c'est tes désirs qui gagnent, alors là, dans ce cas-là, tu dois te dire à toi-même qu'il y a un problème, un grave problème avec ta foi. Hein? Parce que le mu'min, le vrai mu'min, c'est lui qui arrive à dompter son âme et à donner précédence à l'amour d'Allah et à ce que Allah aime et à ce que son messager aime au-dessus de ce que ses passions et ses désirs lui dictent. Et ça, c'est très très important de le comprendre. Et quand tu vois par exemple, hier je suis sorti avec la famille, il faisait chaud, la chaleur ici à Montréal était vraiment intense et l'humidité aussi. Et quand tu vois par exemple que on va dans un endroit où il y a beaucoup de monde et on rencontre plein de musulmans, hein, et que on voit par exemple que il y a des femmes, alhamdoulillah, elles sont patientes, elles endurent la chaleur et elles se voilent et elles gardent leur hijab, et certaines même elles gardent le niqab et elles se couvrent avec le jilbab. Et il y en a d'autres qui n'ont pas la patience, qui sont pas capables d'endurer et de patienter cette chaleur, devant cette chaleur, et qui se laissent succomber à la tentation de se découvrir, en pensant ou en imaginant que, en se découvrant, elles auront moins chaud. Et la vérité, c'est que souvent, elles ont pas moins chaud, elles ont aussi chaud, sinon parfois même plus que celles qui se couvrent, parce que celles qui se couvrent, elles sont protégées déjà contre les rayons UV, hein, les rayons ultraviolets, et ça c'est prouvé, hein, les médecins ils disent que ça c'est ce qui cause les cancers de la peau et tout ça. Et c'est déjà arrivé à des gens ici que je connais, même à Montréal, des femmes qui sont musulmanes qui se sont découvertes, hein, pour aller dans des endroits pour s'exposer au soleil, et qui ont été frappés justement par le cancer de la peau. Et ça, c'est catastrophique. Allah musta'an. Et le fait de porter le jilbab et le niqab, ça, c'est déjà une protection contre ces rayons UV-là. Et non seulement ça, c'est quelque chose qui empêche justement le soleil de les brûler. Hein? Parce que beaucoup d'entre les femmes qui exposent leur peau au soleil, elles prennent des coups de soleil. Hein? Leur peau est brûlée parfois. Pendant très longtemps, elle souffre de ça. Donc ça, c'est des exemples. Donc comment est-ce que le fait de se dévoiler et de se montrer son corps peut te protéger de la chaleur? Ça, c'est faux, hein? C'est pas vrai. Donc le fait de te couvrir, au contraire, c'est ce qui fait en sorte justement que tu es protégé de ça. Et quand on regarde tout ça, c'est juste un seul exemple qui montre à quel point la sincérité et la force de la foi, hein, est un signe de sincérité et en même temps un signe de détermination, puis de courage et de force et d'endurance pour le croyant. Et donc la femme qui endure tout ça pour Allah et qui fait ce sacrifice-là pour Allah et qui endure cette chaleur pour Allah dans cette vie d'ici-bas, eh bien, au jour de la résurrection, elle sera récompensée pleinement. Hein, pour ce sacrifice, tandis que l'autre qui n'a pas résisté à la tentation d'imiter les femmes mécréantes et de suivre leur façon, elles n'auront pas cette récompense là et en plus elles seront punies pour ça. Mais les gens en général, ils ne regardent que l'extérieur et l'apparence. Et ils se disent, puisque tout le monde le fait, donc ça ne devrait pas être si grave que ça. Donc c'est ça. Ça, c'est juste un exemple par rapport à ça, mais il y a beaucoup d'autres exemples encore sur d'autres choses qu'on aurait pu mentionner. Et des sujets qui sont même plus fondamentaux que la question du hijab. وَأَمَّا أَهْلُ الْإِيمَانَ الْخُلَّصِ So the Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, he says, وَأَمَّا أَهْلُ الْإِيمَانَ الْخُلَّصِ فَهُمُ الَّذِينَ أَتَوْا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ وَاجْتَمَعَتْ لَهُمْ قُيُودَهَا الَّتِي قُيِّدَتْ بِهَا عِلْمًا وَيَقِينًا وَصِدْقًا وَإِخْلَاصًا وَمَحَبَّةً وَقَبُولًا وَانْقِيَادًا وعادوا في الله ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم وأعد لهم جنته وأنجاهم من النار كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit tandis que les gens de la foi pure et sincère, ce sont ceux qui ont ramené cette parole de la ilaha illallah et chez qui se sont réunies toutes les conditions par lesquelles cette parole est rattachée. Par exemple, il a mentionné les 8 conditions, c'est-à-dire les 7 conditions plus, comme on avait expliqué déjà qu'il y en a certains ulama qui rajoutent une 8e. Donc, ilman wa yaqinan wa sidqan wa ikhlasan wa mahabbatan wa qaboulan wa qiyadan. Ça fait 7. Ça veut dire, avec la science, il a prononcé la ilaha illallah avec connaissance, avec certitude, avec véracité, avec pureté d'intention et sincérité, avec amour, avec acceptation et avec soumission. Et en plus de ça, il a aimé, il a pris en animosité en Allah, il a détesté en Allah et il a aimé, il s'est allié en Allah. Alors ça c'est qu'est-ce qu'on appelle al-wala wal-bara. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé cela et a mentionné cela dans plusieurs versets dans le Coran. Et parmi les versets également de Surat Bara'a et d'autres également, dans d'autres surat, Surat Bara'a c'est Surat At-Tawba. Donc on a expliqué que Surat At-Tawba elle a plusieurs noms. Et parmi ces noms, il y a Surat Bara'a, parce que la surat commence par ce nom-là. Bara'atun min Allahi wa Rasulihi. Et il y a aussi d'autres noms comme Al-Fadiha et beaucoup d'autres. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cette catégorie de croyants qui disent la ilaha illallah et qui croient et qui l'appliquent et qui respectent ces conditions. Et il a fait leur éloge en particulier. Et il a mentionné le pardon d'Allah à leur sujet. Il a mentionné le pardon qu'il a pour eux en particulier. Et qu'est-ce qu'il leur a préparé comme récompense, c'est-à-dire le paradis et le fait qu'il les a sauvés de l'enfer. Et on voit des exemples de ça dans le verset 71 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal, ils établissent la salat, ils donnent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Ceux-là, Allah leur fera miséricorde, et certes Allah est puissant et sage. Donc ça c'est le premier verset parmi les versets qu'il mentionne à ce sujet. Après il mentionne d'autres versets. On va expliquer ce passage-là maintenant, puis on expliquera le verset par la suite. Donc le cheikh il explique par rapport à ça les conditions de la ilaha illallah. il dit هذه علامة الإخلاص, هذه شروط لا إله إلا الله. Donc les sept conditions de la ilaha illallah, on les a mentionnées: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد. D'accord. Et وعادوا في الله ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. Donc ça c'est الولاء والبراء. Il dit Cheikh Al-Fawzan, il dit هذه علامة الإخلاص. Ça fait partie des signes de la sincérité, que quelqu'un aime pour Allah et déteste pour Allah. Et il aime en Allah, il déteste en Allah. Quand on dit qu'il aime en Allah et qu'il déteste en Allah, c'est-à-dire il aime dans ce qui amène l'agrément d'Allah et il déteste dans ce qui amène la colère d'Allah. Hein? Et il aime ce que Allah aime et il déteste ce que Allah déteste. Ça c'est les signes de la sincérité par rapport aux croyants. Ensuite il dit وَقَدْ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. Donc ça on a dit par rapport au verset يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Donc les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Cheikh Al-Fawzan il dit هُمْ فِي ذَاتِهِمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْدُ. هذه أول صفة المحبة في الله والمعاداة فيه. C'est-à-dire que les croyants, hein, ils sont les alliés les uns des autres. Et ça, c'est la première caractéristique, hein, parmi les caractéristiques et les attributs de l'amour en Allah et de la haine en Allah. C'est que lorsqu'on s'aime en Allah et qu'on se déteste en Allah, eh bien, on devient des alliés les uns les autres, hein. On devient des alliés les uns des autres et on s'aime en Allah et on se déteste en Allah. Après, il dit وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Ils établissent la salat, ils donnent la zakat, ils obéissent à Allah et à son messager. Il dit هذه صفاتهم هذا كله من مضمون لا إله إلا الله. Donc ça, c'est également parmi les caractéristiques des vrais croyants. Tout ça est impliqué par la parole de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et il dit ensuite, donc ceux-là sont ceux à qui Allah va faire miséricorde, il est puissant et sage. Et dans le verset que le cheikh il mentionne ensuite, il dit وَقَالَ تَعَالَى وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ça c'est le verset 100 dans sourate At-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et les tout premiers qui ont précédé parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis avec perfection, hein, alors Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Hein, ou bien eux sont satisfaits de lui et ils sont satisfaits et lui est satisfait d'eux, c'est ça. Radiyallahu anhum, Allah est satisfait d'eux, wa radu anhu, et eux ont été satisfaits de lui. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Dhalika al-fawz al-azim. Voilà la grande réussite ou l'immense réussite. Et comme je disais auparavant, c'est le verset 100 dans sourate At-Tawba. Et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit ensuite fa ha'ula'i wa man ittaba'ahum bi ihsan هم أهل لا إله إلا الله وغير هذه من الآيات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة فمن تدبر القرآن وعرف تفوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه خشية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ونياتهم وإرادتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد تبين له خطأ المغرورين. Donc ici le cheikh, il dit, ceux-là et ceux qui les ont suivis, en parlant des premiers croyants parmi les muhajirines et les ansars, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, hein, il dit ceux-là et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, ce sont eux les gens de la ilaha illallah. Et il dit, et il y a beaucoup d'autres versets autres que ce verset-là au sujet des éloges qui ont été faits, hein, de ces gens-là, et ce que Allah a préparé pour eux dans l'au-delà. Et quiconque réfléchit et médite sur le Coran, il va savoir qu'il y a des grands écarts, hein, et que les créatures sont à des degrés différents par rapport à l'amour de leur Seigneur et par rapport à son tawhid et par rapport également à l'application de son obéissance et de s'enfuir de sa désobéissance, et aussi à des degrés différents dans leur préférence de ce que Allah aime, hein, et de choisir ce que Allah aime et de le mettre au-dessus, hein, de tout, par amour, et en mettant en pratique ce qu'il ordonne et en délaissant ce qu'il déteste avec crainte, avec espoir, et aussi de considérer les gens et de les prendre en considération selon leur état, leurs paroles, leurs actions, leurs intentions, leurs volontés, et ce dans quoi ils sont comme différence et écart très grand et très loin entre eux, les uns les autres, par rapport à ces éléments-là. Et on comprend de cela à la fin, et ça devient clair pour nous l'erreur de ceux qui ont été trompés à ce sujet-là. C'est-à-dire ceux qui se basent uniquement sur les choses apparentes, sans tenir compte de la réalité, de la concrétisation et de la réalisation de ce qu'ils ont comme connaissance et comme suivi, et de la concrétisation des aspects de la religion. On va clarifier ça plus en détail avec les explications de Cheikh Al-Fawzan maintenant. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit, فهذه الآية تدل على الاقتداء بالصحابة لأنهم خير القرون ولأنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فهم أدرى من غيرهم في أمور الشريعة لأنهم تلقوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة فاتباعهم والاقتداء بهم هذا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لأن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الاقتداء بالسلف الصالح ولا سيما الصحابة رضوان الله عليهم ولا سيما السابقون الأولون منهم. وقوله بإحسان، الإحسان معناه الإتقان، إتقان الشيء وإتمامه، فالمراد الاقتداء بهم على الوجه المطلوب من غير غلو ومن غير تساهل، ومجرد الانتساب إليهم بالاسم دون التحقيق، هذا ليس باتباع لهم الذي ينتسب إلى السلف، ولكنه يخالفهم في العقيدة وفيما ثبت عنهم من القول والعمل ويقتضي بغيرهم، هذا ليس تابعا للسابقين الأولين وإن كان يدعي هذا. العبرة بالتحقيق لا بالدعوة. والطرف الثاني من يتبعهم ولكن يغلو ويزيد وينسب إليهم أشياء لم تصدر عنهم ولم يقولوها، فهذا أيضا لم يتبعهم بإحسان بل خالفهم وأسند إليهم شيئا لم يقولوه. فكثير من الجهال أو المبتدئين في طلب العلم اليوم ينسبون إلى السلف أشياء لم تثبت عنهم ولم يقولوها، وليس لهم مرجع في هذا يرجعون إليه، فيجب التنبه لهذا الأمر. فقوله تعالى بإحسان هذا قيد فليس كل من ادعى متابعة السلف والصحابة يكون محقا حتى يتبعهم بإحسان وذلك يدعي وذلك يستدعي معرفة ما هم عليه كيف يتبعهم بإحسان وهو لا يدري ولا يعرف ما هم عليه لذلك لا بد للإنسان أن يدرس ويعرف ويطلع على ما كان عليه السلف الصالح من أجل أن يتبعهم بإحسان هذه أمور يجب التفطن لها ثم وعدهم بهذا الوعد رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك جزاء من اتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان جزاؤه الرضوان وهو أعلى شيء ولذلك بدأ الله به رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم قال وأعد لهم جنات هذا الثاني فالرضوان أعظم من الجنة كما قال عز وجل ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر donc le cheikh il explique maintenant le verset 100 dans sourate at-tauba et il dit donc ce verset il nous indique une chose c'est de suivre les sahaba hein, l'obligation de suivre les sahaba parce qu'ils sont ils représentent les meilleures générations il dit parce qu'ils ont été hein, c'est eux qui représentent la meilleure génération parce qu'ils ont été les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam et par conséquent ils ont une meilleure connaissance des affaires reliées à la charia et ils connaissent mieux la charia que n'importe qui d'autre et parce qu'ils ont appris la religion directement du messager sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire ils l'ont pris directement du messager donc ils ont hein, appris la religion de son exemple direct alors le fait de les suivre et de les prendre comme exemple et comme modèle ça fait partie des fondements de la aqida des gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah et il dit parce que parmi les fondements de la aqida d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah il y a le principe de prendre les salaf salih comme exemple et comme modèle en particulier bon les salaf salih ça signifie qui ou ça signifie quoi en arabe salaf ça veut dire les prédécesseurs ou les aïeux ou les ceux qui nous ont précédés et as-salih ça veut dire ceux qui sont vertueux donc les vertueux prédécesseurs ou bien les pieux prédécesseurs et en particulier on parle quand on dit les salaf salih on parle en particulier des sahaba parce que c'est eux la première génération des salaf et ce sont eux qui ont précédé tous les autres hein c'est eux les premiers et en particulier les premiers d'entre eux les muhajirin et les ansar parmi les premiers qui ont accepté l'islam et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui les ont suivis de la façon la plus complète et la plus parfaite et le terme qui est employé dans le verset c'est وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ et le mot ihsan le cheikh il dit que al-ihsan signifie en arabe al-itqan al-itqan ça veut dire quoi ça veut dire avec de façon complète de façon parfaite de façon quand on dit par exemple que quelque chose est fait avec itqan c'est-à-dire que c'est fait avec maîtrise avec perfection hein? Quand tu dis par exemple rajulun mutqin mutqin ça veut dire la personne elle maîtrise son sujet elle maîtrise son domaine hein? Tu vas avoir par exemple quelqu'un qui répare des montres un horloger si par exemple tu lui donnes ta montre il regarde il sait tout de suite le problème qu'il y a, il sait quelle pièce qu'il faut remplacer, il sait quelle chose qu'il faut arranger, il a tous les outils qu'il faut, il a l'expérience parce qu'il fait ça depuis des années. Donc c'est quelqu'un qui est mutqin, aussi un professeur qui a enseigné un livre, il le connaît par cœur, il l'a enseigné une centaine de fois, il connaît tous les sujets reliés à son domaine. Donc, n'importe quelle question que tu lui ramènes, il te donne la réponse tout de suite. Il enseigne le livre, il peut l'enseigner les yeux fermés. Il le connaît sur le bout des doigts. C'est ce qu'on appelle un professeur qui est mutqin. Hein? Mutqin. Donc, al-itqan, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire la maîtrise. Hein? La maîtrise. Et quand on parle de suivre les salafs avec ihsan, eh bien, le cheikh, il explique, c'est ça. Il dit, ça veut dire de les suivre de façon complète, de façon, hein, parfaite. Et il dit que ça veut dire de les prendre comme un exemple et de les suivre de la manière qui est exigée, c'est-à-dire sans extrémisme, sans exagération, et en même temps, de l'autre côté aussi, sans laxisme et sans, le fait de vouloir faciliter les choses d'une manière extrême. Donc, c'est d'être dans le juste milieu entre l'exagération et le laxisme. Et il dit que uniquement de se limiter uniquement à appartenir au salaf en nom, en utilisant le nom. Par exemple, si quelqu'un dit moi je suis les salafs, donc je suis un salafi, hein, je suis un salafi parce que je suis les salafs salih. Il dit que si c'est seulement le fait de s'attribuer cette appartenance avec le nom, sans l'appliquer réellement et sans le respecter de façon concrète, hein, en les suivant de façon réelle et concrète, alors dans ce cas-là, hein, dans ce cas-là, ça veut dire que cette appellation ou cette affiliation, elle est fausse. Hein. Donc le cheikh, il donne des exemples. Parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre cette réalité-là. Certains s'imaginent que le fait de se dire salafi, ça implique qu'on doit les suivre et qu'on devrait être comme eux de façon parfaite et complète, dans le sens que qu'on serait aussi pieux que eux et qu'on arriverait à atteindre leur degré de piété, hein, et de connaissance et d'adoration. Ça, c'est pas réaliste et c'est pas possible. Dans le sens que personne pourra jamais atteindre le degré de piété des salafs, hein, et d'être aussi pieux qu'eux ou aussi bons qu'eux dans la religion. Ça, c'est pas réaliste et c'est pas possible. Hein. À la limite, on essaie de leur ressembler et on essaie de les suivre. Hein, mais d'atteindre leur degré, hein, déjà le fait qu'ils sont des sahaba, ça c'est déjà quelque chose qui est impossible pour nous d'atteindre. D'accord. Et qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que à la base, quand on prétend ou quand on se dit être un salafi, c'est d'appartenir à ce qu'ils ont suivi comme méthodologie et comme voie dans la compréhension de la religion, et en particulier et fondamentalement de croire en la même aqida que eux, d'être sur la même aqida que les salafs. Donc le cheikh, il dit, si quelqu'un par exemple il se dit salafi, par contre sa aqida elle contredit la aqida des salafs, alors dans ce cas-là, comment il peut prétendre être un salafi? Hein? Ça c'est pas possible. C'est comme aujourd'hui, tu vois des gens par exemple qui suivent la voie des gens de Kalam, par exemple la voie des Asha'ira ou des Maturidiyya ou des Mu'tazila ou des Rafida ou des Jahmiya ou bien des Qadariya ou bien des Murji'a ou bien des Khawarij ou bien d'autres groupes de Bid'a comme ça, des Soufiya, et il se dit Salafi ou il prétend être sur la voie des Salaf. Ça c'est une contradiction. Hein? De même que ceux qui suivent les tendances modernes de ces groupes-là qui ont des croyances déviées comme les Ikhwan, hein, les frères musulmans, ou bien Jama'at al-Tablir, hein, qui ont des tendances soufis et qui croient en les croyances des Maturidi et des Mu'attila dans les Sifat, qui nient les Sifat et qui font le Ta'wil. Donc ça c'est des exemples de choses qui sont en contradiction avec la voie des Salafs. Hein? Donc, est-ce que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran, hein, comme étant ceux qui ont été, ceux dont il a été satisfait, ceux qui, quand, qu'il a dit à leur sujet qu'il est satisfait d'eux, est-ce que ces gens-là avaient recours à ilmul kalam? Est-ce qu'ils avaient recours à ilmul kalam? Est-ce qu'ils croyaient, yani, par exemple, avec des croyances en Allah basées sur la philosophie? Est-ce qu'ils se référaient à Platon et Aristote pour comprendre la religion d'Allah? Est-ce qu'ils se référaient à toutes sortes d'idéologies et de croyances qui sont apparues des siècles après? Non. Hein? Tout ça, c'est des choses qui sont des innovations qui ont été introduites par la suite par des gens d'égarement. Donc, comment quelqu'un peut se dire salafi, puis par la suite, il ramène ces égarements-là? Ou bien s'il ne les a pas lui-même, ces égarements-là, par exemple, il ne fait pas lui-même partie des gens qui, par exemple, qui croient en ilm al-kalam ou qui fait partie de ces égarements-là, hein, ou bien qu'il ne fait pas lui-même partie des soufis ou des khawarij ou des mu'tazila ou des asha'ira ou des maturidiyya ou des autres groupes, hein, de ce genre. Il n'en fait pas partie lui-même, sauf qu'il fait des excuses, il cherche des excuses pour eux, et il les défend, et il s'allie avec eux, et il travaille avec eux, et il les prend comme ses alliés et ses bien-aimés, et il oppose et critique les gens de la sunna, hein, comme on le voit chez différents groupes et différentes tendances parmi les qutbiyyins et les sururiyyas, hein, des gens comme ça qui disent qu'ils sont salafis, et qu'ils disent qu'ils acceptent le tawhid et la aqidah des salafs et qu'ils rejettent l'ilm al-kalam, sauf qu'ils défendent, hein, de toute leur force les gens de bid'ah, et ils refusent qu'on les critique ou qu'on les condamne ou qu'on mentionne à leur sujet des égarements, et qui en même temps font tout pour rabaisser les gens de la sunna et les dénigrer et les critiquer et les insulter et ainsi de suite. Donc ça, c'est une attitude qui est contraire à la position ou à la façon dont agissaient les salafs, hein? Parce que yani, la personne, elle est avec ceux avec qui il s'allie, hein? Et avec qui il s'associe. Si la personne s'associe avec les gens de bid'a, il défend les gens de bid'a, il aime les gens de bid'a, et il critique les gens de la sunna, il déteste les gens de la sunna, et il ne trouve que des fautes chez les gens de la sunna, alors comment il peut se dire salafi par la suite? Ça, c'est quelque chose d'incompréhensible et d'impossible. Ça, c'est inacceptable. Hein? Donc, ça, c'est important à comprendre. Et ici, donc, le cheikh, c'est ça qu'il veut faire, qu'il veut expliquer, dans le sens que de suivre les salafs, c'est pas quelque chose seulement qu'on fait avec la langue ou qu'on prétend avec la langue, mais il faut le concrétiser quelque chose dans la réalité en ayant la même croyance que les salafs, dans le sens qu'on accepte leur aqida en premier, parce que c'est la base de la religion et c'est le fondement de la religion, hein, et on les prend comme exemple aussi dans ce qui est attribué aux salafs comme action et comme parole, et on les prend comme exemple. Donc si quelqu'un, par exemple, on est capable d'affirmer que ses propos, que ses actions sont basées sur les compréhensions et la voix de gens qui opposent les gens de la sunna ou qui opposent la voix des salafs, donc on ne peut pas dire dans ce cas-là que cette personne, elle suit les salafs, hein? Parce que dans ce cas-là, il ne suit pas les premiers parmi les, hein, parmi les sahaba, même s'il prétend être en train de le faire. Donc, il dit, le cheikh, al-ibratu bit-tahqiq, la bid-da'wa. Donc, la réalité, c'est, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est la réalité des choses. Et qu'est-ce qui est prouvé? Qu'est-ce qui est établi par les preuves? Et non pas, qu'est-ce que la personne prétend. Et il dit, wa taraf al-thani, il y a un autre exemple. Il y a ceux qui les suivent, mais qui les suivent, effectivement, dans le sens que, ils ne suivent pas les groupes d'égarement, il ne suit pas des gens qui les contredisent, mais ils les suivent avec de l'exagération ou de l'extrémisme, hein? comme on voit ça dans différents groupes, en particulier des groupes contemporains. Il y a l'exemple à notre époque des Haddadiyya, hein, des Haddadiyya qui se sont manifestés chez plusieurs individus à notre époque, que ce soit Mahmoud al-Haddad, hein, qui critiquait les ulama et qui défendait les gens de bid'a, hein, ou bien Faleh al-Harbi, la même chose, hein, qui a fait revivre cette voie des Haddadiyya à notre époque, et aussi Al-Hajouri, lorsqu'il était sorti aussi avec ses exemples d'extrémisme. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu apparaître de la part d'une personne dont on n'avait pas imaginé ou pensé que telle chose se serait produite, hein, de la part de Mohammed ibn Hadi à Médine, qui s'est mis à attaquer et critiquer les machaires salafiyins, hein, sans aucune excuse, et de les déclarer innovateurs et les traiter de noms comme Sa'afiqa, hein, de les déclarer mubtadi'a clairement, sans avoir ramené aucun élément de preuve pour justifier cette attitude-là envers eux, et d'associer, hein, tous ceux, hein, qui les défendent, qui défendent les machaires et qui prennent leur support et leur défense vis-à-vis de l'injustice de Mohammed ibn Hadi, de les associer eux aussi comme faisant partie des Sa'afiqa, malgré que les grands ulama comme Cheikh Ibn Bah, comme Cheikh Rabi al-Madkhali, Cheikh Ubayd al-Jabri, et d'autres également parmi les Mashaykh Salafiyin, Cheikh Abdullah al-Bukhari, et d'autres également qui ont clairement pris position pour défendre les opprimés dans cette question, et de mentionner que ces attaques et ces accusations sont injustes. Donc ça, c'est des gens qui se disent appartenir à la salafia, mais qui ramènent des règles extrémistes et qui accusent des salafis innocents d'être innovateurs sans ramener aucune preuve. Alors, ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'exagération et de l'extrémisme. Et on peut poser la question à ceux qui agissent de cette manière-là, hein, en leur disant, qu'est-ce que tu ferais, hein, toi, si demain, hein, Cheikh Mohammed bin Hadi, il dit de toi que tu es un sa'afiqa, hein, et quand on lui demande la preuve à ton sujet, il ramène rien comme preuve. Alors, tu dirais quoi? Est-ce que tu dirais, le cheikh il a raison, oui, il faut qu'on accepte, même s'il n'y a pas de preuves, ou bien tu chercherais à lui demander des explications, demander des preuves, hein, et d'expliquer pourquoi il t'accuse de ce genre de choses. Parce que dans la religion d'Allah, on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un sans preuve. On n'a pas le droit d'accuser quelqu'un sans éléments de preuve. Et les éléments de preuve, elles auraient dû être présentées non pas avant les accusations, non pas après les accusations, mais avant les accusations, pour que justement, lorsque la personne demande des explications ou des accusations, les preuves sont présentes, hein. Et les personnes accusées et les personnes impliquées dans cette histoire, hein, plusieurs d'entre eux sont allés voir le cheikh Mohammed lui-même pour lui demander, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a est-ce qu'on a fait une erreur? Est-ce que vous pouvez nous expliquer notre erreur? Est-ce que vous pouvez nous clarifier ces erreurs-là? Et le cheikh Mohammed bin Hadi, à la base, il n'a jamais admis ou dit qu'il y avait quoi que ce soit. Non, il n'y a rien, tout est correct, hein. Et il n'a pas jamais voulu clarifier quoi que ce soit. Donc c'est pour dire que s'il y a quelqu'un parmi les salafines qui commet une erreur ou qui se trompe, hein, à la limite, tu le contactes et tu lui fais parvenir les observations et les corrections ou les critiques que tu as à lui faire pour que la personne puisse se corriger et revenir au droit chemin. Et si la personne a fait des erreurs en public, de les clarifier pour essayer de les réparer, et que la personne revienne ouvertement sur ces erreurs-là, parce qu'il n'y a personne, même parmi les salafiyins et même parmi les ulama, il n'y a personne qui est exempt de se tromper ou de commettre des erreurs. Mais lorsque la personne se repent ou revient de ses erreurs ouvertement et clarifie son erreur, certains même refusent de l'accepter, comme si la repentance était interdite pour eux, ou comme la, le fait de, comme si le fait de se corriger était interdit ou inaccepté, hein, inacceptable de sa part. À la kulli hal, ça c'est un exemple pour dire que c'est de l'extrémisme et de l'exagération, et c'est inacceptable, surtout de la part d'un cheikh qui est connu comme étant, ou qui était connu comme étant quelqu'un qui défendait, qui voulait défendre la vérité. Donc si c'était le cas, il devait agir de manière correcte, juste et responsable, et non pas de la façon dont il a agi. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le ramène à son, au droit chemin, et qu'au moins il présente des excuses à ceux qu'il a, avec qui il a agi de cette manière, et qu'il se repente à Allah. Donc, il y a d'autres exemples aussi d'extrémisme de ce genre-là, et il y a aussi des exemples, comme le cheikh il dit ici, ceux qui rajoutent des choses ou qui leur attribuent des choses qu'ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire que les salafs n'ont jamais fait, ou des paroles qu'ils n'ont jamais dites, hein, des gens qui attribuent aux salafs des paroles qu'ils n'ont jamais dites. Donc ceux-là, ils ne les ont pas suivis avec ihsan, donc ils ne les ont pas suivis avec perfection, avec maîtrise ou de manière modérée. Bal khalafahum, au contraire, ils les ont contredits et ils leur ont attribué des choses qu'ils n'ont jamais dites. Et il dit, et il y a beaucoup d'ignorants ou beaucoup de débutants dans la quête du savoir aujourd'hui qui affirment ou qui attribuent aux salafs des choses qui n'ont pas été confirmées à leur sujet, et des choses qu'ils n'ont jamais dites, et ils n'ont au sujet de ces choses aucune référence vers lesquelles ils retournent. Alors le cheikh il dit, il est obligatoire de faire attention à ce genre de choses. Il dit ensuite, donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 100 en surat at-Tawbah, lorsqu'il dit de les suivre avec ihsan, il dit que ça c'est une clause, hein, c'est une restriction dans la compréhension du verset qui vient limiter toute personne qui prétendrait suivre les salafs et de suivre les sahaba, hein, pour qu'ils soient réellement en train de les suivre, qu'on ne puisse ou qu'on n'accepte pas de la personne qui dise qu'il est sur la voie des salafs qu'il est nécessairement sur la voie des salafs, ou que ça ne veut pas dire que quelqu'un se dit salafi que tout ce qu'il fait est correct et que tout ce qu'il dit est correct, jusqu'à ce que la chose dans laquelle il prétend être sur la voie des salafs soit confirmée comme étant réellement quelque chose qui fait partie de leur voie et qu'il les ait suivis réellement avec ihsan. Et ça nécessite, hein, et ça demande de la connaissance, hein, au sujet de ce qu'il suivait. C'est-à-dire que pour dire que quelqu'un suit la voie des salafs, il faut premièrement connaître qu'est-ce que c'est la voie des salafs en soi, et connaître ce que les salafs suivaient comme méthodologie et comme pratique et comme façon de méthode qu'ils avaient pour comprendre les textes et dans l'application. Donc, si quelqu'un n'a pas de connaissance et ne connaît pas la voie des salafs, comment peut-il prétendre être sur la voie des salafs? Donc ça, c'est une contradiction. Et il dit, et comment pourrait-il les suivre de la façon la plus correcte et la plus parfaite s'il ne sait pas ce qu'il suivait et s'il ne connaît pas ce sur quoi ils étaient? Donc, il dit, c'est pour cette raison que toute personne qui veut suivre les salafs doit commencer par étudier et connaître et lire et apprendre ce que suivaient les salaf al-salih et qu'est-ce qui est bien entendu authentique ou bien authentiquement attribué aux salaf. parce qu'on sait que les paroles qui ont été attribuées aux salaf ou les actions qui ont été attribuées aux salaf, parmi ces paroles et ces actions, il y en a qui peuvent être transmises de façon authentique et il y en a qui peuvent être transmises de façon qui ne sont pas authentiques aussi, comme les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est de se baser sur ce qui est authentique et non pas sur ce qui n'est pas authentique. Et les paroles des salaf en général sont rapportées avec la chaîne de transmission. Et c'est comme les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un parfois, c'est ça qu'on retrouve souvent chez les gens de bid'a et les soufis, c'est que dans leurs livres ils vont dire par exemple « un tel a dit ceci, un tel a dit cela », puis quand tu demandes « oui mais ça sort de où ?» ou « c'est quoi l'isnad à ce sujet-là ? » C'est quoi la chaîne de transmission de cette parole ? Et ils n'ont aucune référence, aucun moyen de justifier ou de prouver l'authenticité de cette parole-là. Hein? Donc dans ce cas-là, ça ne peut pas être pris en considération, ça ne peut pas être utilisé comme preuve. Hein? Le cheikh, il dit aussi, وَلِذَٰلِكَ la Bouddha Yadrus, donc il faut qu'il étudie pour savoir ce que suivaient les salafs salih et ce qu'ils faisaient, et dans le but de les suivre avec ihsan. Et ils disent donc, ça c'est des choses, il est obligatoire de les comprendre correctement. Il dit, ثُمَّ وَعَدَهُمْ, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis, s'ils les suivaient de façon correcte et de façon parfaite, il leur a promis qu'ils seraient satisfaits d'eux et que eux seraient satisfaits de lui. Et il leur a promis, il leur dit également qu'il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et ceci est l'immense récompense ou l'immense réussite. Et donc ça c'est la rétribution et la récompense de tous ceux qui ont suivi les salafs parmi les muhajirin et les ansar de la meilleure façon. Leur rétribution sera l'agrément d'Allah, ar-ridwan. Hein? Et ar-ridwan, c'est la chose la plus élevée qu'on peut obtenir de la part d'Allah comme récompense, son agrément, sa satisfaction. Et il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné en premier de tout. Allah dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah était satisfait d'eux. Et c'est pour ça que les ulama, ils disent souvent, il n'y a personne qui peut prétendre que Allah est satisfait de lui, excepté les sahaba, parmi les hommes. Hein? Il n'y a personne parmi les hommes qui peuvent prétendre que Allah est satisfait d'eux, excepté les sahaba. La preuve, c'est que Allah a dit qu'il est satisfait d'eux dans le Coran. Mais toute personne qui vient après les sahaba, il ne peut donc obtenir cet agrément d'Allah que s'il suit les salafs. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, radiyallahu an walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Donc pour rentrer dans ceux sur qui Allah a mis son agrément, et pour faire partie des sahaba dans l'agrément d'Allah, et pour rentrer dans cet agrément-là, il faut les suivre avec ihsan. Il faut les suivre de la meilleure façon, de la façon la plus complète. Donc ça c'est dans le but d'obtenir l'agrément. Tu ne pourras jamais obtenir l'agrément d'Allah si tu ne suis pas l'exemple des sahaba. C'est ça que ça veut dire ce verset-là. Et ici, il dit le cheikh que l'agrément d'Allah c'est plus grand que même le paradis. C'est plus grand en récompense même que le paradis. Pourquoi ? Parce que tu ne pourras pas obtenir le paradis sans l'agrément d'Allah. Hein? Donc c'est plus important même que le paradis. Et même le cheikh il dit, Allah il mentionne en premier l'agrément d'Allah, hein? Il dit radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah était satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Puis ensuite il dit en deuxième, wa a'adda lahum jannat, il leur a préparé des jardins. Donc ça c'est la deuxième récompense, en voulant dire que l'agrément d'Allah est plus grand encore que la récompense du paradis. Et c'est pour ça que Allah il dit dans le verset 72 dans Sourate At-Tawbah, justement quelques versets plus tôt, Allah dit wa ridwanun min Allahi akbar, c'est-à-dire et l'agrément et un agrément de la part d'Allah est plus grand. Hein? Donc ça veut dire que son, l'importance de l'agrément d'Allah est plus grand que le paradis lui-même, puisque tu ne peux obtenir le paradis que par l'agrément d'Allah. Et ensuite, pour expliquer l'autre passage qui est mentionné des paroles de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, qui est mentionné par la suite, et dans le sens que, alors, il dit le Cheikh, il y a beaucoup d'autres versets qui font les éloges des premiers croyants, hein, du fait que ces gens-là, ce sont eux, les gens de la ilaha illallah, c'est-à-dire les sahaba, et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, ce sont eux les gens de la ilaha illallah, les gens du tawhid. Et si on médite, on voit les degrés différents qu'il y a entre les hommes dans l'amour d'Allah, dans le tawhid, dans la foi, dans l'obéissance, dans le fait de s'écarter des péchés, dans le fait de préférer ce que Allah aime et de détester ce que Allah déteste, et de la crainte et de l'espoir et tout ça. Et il explique la différence qu'il y a entre les hommes dans leurs actions, dans leurs intentions, dans leur volonté et ainsi de suite. Et tout ça, ça nous indique l'erreur de ceux qui se sont trompés, qui ont été trompés ou induits en erreur. Et il explique, il dit wala yaktafi avant ça il dit wa haula yani as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan hum ahlu la ilaha illallah alladhina haqqaquha qawlan wa 'amalan qawlan wa 'ilman wa 'amalan haula'i هم أهلها وألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها. Donc le cheikh il dit que ceux-là, les premiers parmi les croyants, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ce sont eux les gens de la ilaha illallah. C'est-à-dire c'est eux qui ont réellement compris et concrétisé et mis en application dans leurs paroles et dans leurs actions et dans leurs connaissances la signification de la ilaha illallah, et donc ce sont par conséquent eux les gens de la ilaha illallah, les gens de la parole que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa alzamahum kalimat at-taqwa, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé la parole de la piété, la parole de taqwa. Hein, et c'est-à-dire la parole de la ilaha illallah, et ils ont été ahaqqu biha, hein, wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Donc ça c'est tiré du verset 26 dans sourate al-Fath, donc qui indique en fait que ce sont eux les sahaba qui ont été les gens de la ilaha illallah et ceux qui ont été les plus méritants vis-à-vis de cette parole. Dans sourate al-Fath. Et c'est le verset, on a dit le verset 26. Naam. C'est ça, il les obligea à une parole de piété. Parole de piété, kalimat at-taqwa. On dit at-taqwa, c'est-à-dire le fait de se préserver d'Allah, hein, et de son châtiment par les bonnes œuvres, par le fait de faire ce qu'il ordonne et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et il dit, il leur obligea cette parole de piété, la parole de la ilaha illallah, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Et donc c'est eux les plus dignes et les plus proches de la parole de la ilaha illallah, les sahaba et ceux qui les ont suivis. Donc pour faire partie des gens de la ilaha illallah et des gens du tawhid, tu dois obligatoirement suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivre les sahaba, sinon tu ne pourras pas faire partie des gens du tawhid. Et tous les gens de bid'ah, ils n'ont pas suivi l'exemple des sahaba, donc ils ne peuvent pas faire réellement partie ou complètement partie de la ilaha illallah. Soit ils ne peuvent pas faire partie des gens de la ilaha illallah du tout, parce qu'ils ont contredit la ilaha illallah dans ses fondements, ou bien soit de façon partielle, ou bien de façon partielle dans le sens qu'ils ont contredit dans certains éléments du témoignage de la ilaha illallah, qui ne les font pas nécessairement sortir complètement de la ilaha illallah, mais qui affaiblit leur témoignage ou qui affaiblit leur application de ce témoignage, et donc par conséquent ils ne sont pas parmi ceux qui ont suivi les salafs avec perfection, hein. Le cheikh il dit ensuite ولا يكتفي بمجرد أخذ الناس على ظواهرهم بل لا بد أن يتحقق من عملهم ومن اتباعهم ومن تحقيقهم لا يكتفي بمجرد انتسابهم للسلف أو انتسابهم للصحابة حتى يعرف حقيقة ما يدعون وما يقولون لأن كثيرا ممن يدعون دعوة لا يحققونها بل يدعونها من باب الخديعة والمكر بالمسلمين فلا يجوز التسرع مع الناس نعم نحن لا نسيء الظن بمن أظهر الخير ولكن لا نمنحهم الثقة ونعتمد عليهم حتى نعرف حقيقته. Donc le cheikh il dit on ne se limite pas uniquement à prendre les gens juste par rapport à l'apparence, dans le sens que il faut être sûr de leur connaissance et de leur suivi des sahaba et de voir qu'ils les ont suivis de façon concrète. On va pas uniquement se baser sur leurs prétentions apparentes d'appartenir au salaf, hein, ou d'appartenir au sahaba, jusqu'à ce qu'on sache réellement et concrètement que ce qu'ils prétendent et ce qu'ils disent, ils le réalisent réellement, que c'est pas juste une prétention, hein. Et il dit que parce que certaines personnes peuvent le prétendre pour tromper et pour ruser contre les musulmans, donc il n'est pas permis de se précipiter avec les gens. Il dit oui, on ne va pas penser du mal des gens alors qu'ils nous montrent le bien, mais en même temps aussi on ne va pas leur donner toute notre confiance et nous reposer sur eux jusqu'à ce qu'on ait réellement été certain et qu'on ait réellement su leur réalité. D'accord ? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.